aimez-moi. Je suis comme Madame Taubira, j'aspire à connaître notre histoire. Les rappeurs parlent que de fric, du système sont des otages. Je me fous de ce que tu gagnes, ce qui m'importe c'est ce que tu partages. Venez tour dans les cellules, Kerry James c'est de retour. MC Don pour recul, Mafia Capri, street lourd. À l'ombre du show business, le soleil s'est levé. C'est le retour des vrais, c'est le retour du rap français. Pop, pop, c'est le retour du rap français. Pop, pop, pop, pop, c'est le retour du Renoir foncé. Dur, vert, franc, fier, fort, hardcore, jusqu'à la mort. Pop, pop, c'est le retour du rap français. Pop, pop, pop, pop, c'est le retour du rap sensé. Dur, vert, franc, fier, fort, hardcore, jusqu'à la mort. Je rentre dans la cabine, ça, ça sent classique. J'rap, j'rap, j'rap tellement bien qu'on dit que j'rappe mal. Je rentre dans la cabine, ça, ça sent classique. Rap. Les rappeurs lâchent le hip-hop pour la tectonie. J'rappe, je sais même pas ce que je vous réserve. Hardcore, jusqu'à la mort. Dès que j'rentre dans la cabine, ça, ça sent classique. Qu'est-ce qui sent que le prochain album va faire mal?